j'ai des choses à dire. Le mieux pour qu'on m'écoute, c'est que je chante tout ce que je vais écrire. J'ai pas la voix d'une diva, je suis même pas musicien. Je sais pas si on aimera, mais à moi ça me coûte rien. C'est juste pour balancer tout ce que j'ai sur le cœur, les trucs qui me font trembler de peur. Les infos dans le journal, les histoires des voisins, le fait divers banal du coin. Un seul ciel est sur toi, une seule terre est dessous. Et même si tu vois pas, y'a quelque chose qui nous pousse au bout. Je vais pas parler du bon Dieu ou d'autres Hare Krishna, mais tout ce que je vois de mes yeux, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Chacun regarde l'autre, qui est forcément le pire. Bien sûr que c'est sa faute, sans rire. Les pédés, les drogués, les flics, les politiques, moi j'ai bien plus d'idées pratiques. Et devant ma télé, je sais râler aussi. Ma pierre a trop moussé et mes popcorn ont ramolli. J'avais déjà vu vert avec leur classe spéciale. On coupait les experts à cause d'une grosse bombe à Bagdad. Ils font chier les Afghans avec leurs talibans. Partout sur la planète, ça pète. Et moi j'ai pas payé ma redevance télé pour avoir à regarder autre chose que PPD. Si on ouvrait les yeux sur tout ce qui nous entoure, on pourrait voir au mieux qu'on s'approche de nos derniers jours. Et c'est pas les puissants qui font bouger leur cul. Tout est question d'argent, rien à foutre que tout soit foutu. Rien n'est joué heureusement, rien n'est irréversible. Je crois qu'on se trompe simplement de cible. Rien n'est joué heureusement, tout est encore possible. On connaît tous maintenant la cible. J'aime pas les homophobes, je fais pas de politique. J'aime pas les xénophobes, surtout pas les gens à principe. J'aime pas plus les chasseurs que les bodybuilders. Quoi, les militaires, pas tant plus que la guerre. Salut, moi c'est Tinouk et j'ai des choses à dire. Le mieux pour qu'on m'écoute, c'est que je chante tout ce que je vais écrire. J'aime pas la voix d'une diva, je suis même pas musicien. Je sais pas si on aimera, mais à moi ça me coûte rien. Je suis pas donneur de leçons, j'ai pas d'avis sur tout. Mais je sais qu'il faut que je compte sur vous. J'ai pas de solution, je suis pas le grand yaka. Mais je sais qu'il faut que tu comptes sur moi. Salut, moi c'est Tinouk et j'ai des choses à dire. Le mieux pour qu'on m'écoute, c'est que je chante tout ce que je vais écrire. J'ai pas la voix d'une diva, je suis même pas musicien. Je sais pas si on aimera, mais à moi ça me coûte rien. Je suis pas donneur de leçons, j'ai pas d'avis sur tout. Mais je sais qu'il faut que je compte sur vous. J'ai pas de solution, je suis pas le grand yaka. Mais je sais qu'il faut que tu comptes sur moi.